Donc, vous êtes toujours sur Radio Libertaire, c'est Bulle de Rêve, et nous parlons toujours d'animation, il fait un petit peu chaud. Et maintenant, je vais passer à Sébastien Lodenbach. Sébastien, c'est pas la première fois, je crois, que tu viens à Bulle de Rêve, si ? Si, c'est vrai. C'est la première fois. J'étais persuadé que tu étais déjà venu une autre fois. Sébastien, qui a un long... déjà une longue carrière. Alors après un premier film remarqué, Journal, en 97, film d'ailleurs, je le précise, qui sera dans la compile animatique numéro 2 de Repérage. Oui, c'est vrai, oui. Voilà, pour ceux qui sort pas en, vu, en juin, je crois, qui sort au moment du festival. Qui sort au moment du festival d'Annecy, donc à voir absolument. Il faut attendre 7 ans, si j'ai bien calculé, non, 5-6 ans pour ton deuxième film. Ah, c'est compliqué. Moi, Des Canards à la Cuisine, explique-nous un petit peu pourquoi un laps de temps aussi énorme entre les deux. C'est le succès du premier film, ça m'a fait vivre pendant 7 ans. je suis allé sur une île. Non, bah, en fait, suite au premier film qui avait pas mal tourné, voilà, j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé de travailler sur différents projets, souvent des projets un peu atypiques liés aussi à ma prise de vue réelle. Un peu comme ce qu'a fait Valérie là, donc des séquences animées intégrées pour un film qui s'appelle Du poil sous les roses, ou un générique, le générique d'un film qui s'appelle Laissons Lucifer, un film avec Marie Gillin qui est sorti il y a 3 ans, un peu d'habillage de chaîne pour TF1 d'abord, puis Disney Channel, je devrais peut-être pas dire ça à Radio Liberté. Ah, si, comme qu'on peut être auteur tout à l'heure. Voilà, des projets, beaucoup d'écriture en fait de scénarios, puisque j'ai écrit le scénario d'un premier long métrage à la demande de Laurent Benigui, donc qui est producteur à Magouric Productions. Voilà, un long métrage d'animation qui est un peu compliqué à monter, mais bon, donc pour l'instant il est plutôt dans un tiroir, mais ce scénario existe et j'ai quand même pris un an et plus d'un an à l'écrire en collaboration avec Jean-Julien Chervier. Et puis dans la foulée, l'écriture d'un scénario en collaboration avec Nathalie Herzberg, d'un deuxième long métrage qui lui avance, qui sera produit par les films Péléas. Voilà. On va parler de ça un petit peu après. Et puis mine de rien, l'écriture de ce petit court métrage m'a pris beaucoup de temps parce qu'il y a eu beaucoup de versions. D'une part, on l'avait envoyé pour Canal+, pour un concours de projet de Canal+. Voilà, il avait été présenté au CNC, il avait été refusé, donc j'ai réécrit, ça a pris une bonne année, quoi. Qu'est-ce qui fait qu'on repart ? Qu'est-ce qui fait que d'un seul coup, alors que, ça y est, tu tournes, on te demande des choses un petit peu à droite à gauche, on se décide de refaire un court-métrage là où il y a, a priori, pas le plus d'argent en jeu ? Qu'est-ce qui fait qu'on repart ? La ténacité d'une productrice, donc qui est en l'occurrence Laurence Berreur, donc qui s'occupait des courts-métrages à Magouric Productions. Voilà, excellente productrice, qui cherche du travail d'ailleurs. Mais donc c'est elle qui, régulièrement on se voyait, elle me dit « mais quand est-ce que tu me proposes un nouveau projet ?» Et puis j'avais été aussi aux rencontres 10-10 qui ont lieu tous les 2 ans en Bretagne. Donc à l'époque c'était à Saint-Quay-Portrieux. Et donc quand j'avais été, c'était déjà il y a 4 ans, il y avait un tel engouement, une telle énergie, ça m'a donné envie de refaire un truc. Et donc voilà, j'ai écrit un petit machin, puis que j'ai envoyé à Laurence et on a travaillé comme ça, avancé à petits pas. Bon, alors l'histoire des Canards dans la Cuisine, c'est un homme appelé par une femme avec qui il a été à un moment donné visiblement et qui lui demande de venir faire l'amour avec elle, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Donc on comprend que c'est un couple qui est séparé depuis plusieurs mois et qui se revoit une dernière nuit, enfin d'ailleurs on ne sait pas si ça sera la dernière, mais qui se revoit une nuit pour faire l'amour ensemble. Donc c'est elle qui l'appelle lui et ce que je voulais un peu montrer en fait dans ce film, ce qui m'intéressait c'était de... Je voulais parler de deux choses. En fait, je voulais parler d'une communion des corps qui se connaissent. Donc, on peut imaginer que c'est un couple qui a vécu ensemble, peut-être, ou en tout cas, cet homme et cette femme ont été ensemble pendant suffisamment longtemps pour bien se connaître. Donc, il y a quelque chose d'assez fusionnel qui se passe entre eux quand ils se retrouvent, quand ils se touchent, quand ils se caressent. Ils ont même des petits rites, des petits jeux, voilà. Et en même temps, comme ils sont séparés, il y a quand même quelque chose qui n'est pas là, quoi. Peut-être quelque chose dans le cœur ou dans la tête. Et la technique employée pour des câlins, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, c'est le dessin. Est-ce que tu penses, tu vas nous dire un petit peu plus, est-ce que tu penses que c'était le meilleur moyen pour une animation d'exprimer en fait la sensualité entre ces deux corps? Je sais pas, c'était le moyen que je connaissais. J'avais envie de faire un film rapide. Enfin, j'avais envie, je voulais pas passer un an et demi à faire un court métrage. Mon précédent court métrage était un film réalisé de manière aussi directe, puisque comme c'était un journal intime, j'avais des crayons, des stylos, et puis à chaque jour je faisais une séquence, donc c'était assez immédiat. Et pour des câlins dans les cuisines, je voulais le même genre de rapport, donc j'ai pris un pinceau, des feuilles de papier. D'ailleurs, c'est un film que j'ai fait en vacances, au bord de la mer, avec un matériel très léger. Donc c'est très bien, parce que c'est un film qui s'est fait, qui s'est fait un peu en touriste, en fait. Donc la technique s'est un peu imposée d'elle-même, comme c'était... Voilà, une technique que je connaissais bien, que je maîtrisais. Il y a un seul outil, puisque donc, tous les dessins sont faits au trait noir sur fond blanc, et ensuite il y a une mise en couleur qui est faite avec un ordinateur portable, pour que ça soit le plus léger possible. Les dessins sont pris en photo, avec un appareil photo numérique. Donc tout ça est relativement simple à fabriquer. Alors, est-ce que ça participe de la sensualité? Je dirais que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que je savais que je voulais faire le film avec cette technique-là, donc je me suis arrangé pour que ça soit sensuel avec cette technique-là. D'accord. Voilà. C'est-à-dire, je ne crois pas qu'il y ait des techniques qui soient plus aptes à exprimer la sensualité qu'une autre. On peut faire passer beaucoup de sensualité avec juste, du papier découpé, de la 3D, de l'image de synthèse, du volume animé. Je pense que c'est plus une histoire de rythme et de son et de mise en scène. Et un graphisme quand même, pardon Serge, très, très différent entre les deux, entre le journal et... Et des câlins. Journal. J'étais un jeune étudiant, à peine imberbe, enfin à peine barbu. Journal. Donc comme c'était un principe de journal intime, il y a plein de techniques différentes, plein d'esthétiques différentes. On passe de la peinture au crayon. Alors c'est quand même toutes des techniques sur papier, mais il y a aussi des séquences en papier découpé. Là, des câlins dans les cuisines, c'est quand même assez cohérent du début à la fin, même s'il y a des petits changements. Notamment, il y a une séquence en fait que je n'ai pas animée, qui a été animée par Gabrielle Carriol, une autre étudiante des Arts Déco. Parce que tu es prof aussi. Oui. Passage aux Arts Déco. Oui, ça y est, moi je suis passé de l'autre côté, c'est terrible. C'est travail. Très intéressant. Pourquoi juste parce que c'est intéressant? Pourquoi l'idée de devenir prof? C'est une volonté ou c'est... Parce qu'on me l'a proposé. Pour avoir des stagiaires, oui. Parce qu'on me l'a proposé, en fait, l'équipe d'enseignants en place... il y avait un enseignant qui partait à la retraite, et donc l'équipe composée de Georges Chifianos, François Darras, Serge Verny et Pascal Lemaire m'ont proposé de rejoindre leur équipe. Ils ont proposé en même temps à Florence Miel, une autre réalisatrice ultra confirmée. On me l'a proposé, j'ai trouvé ça intéressant et je ne le regrette pas. Évident. Serge, tu voulais poser une question? Oui, je voulais justement que vous confirmiez, enfin que tu confirmes, je permets de te tutoyer, que tu confirmes que l'utilisation de l'ordinateur, comme tu l'as décrit, et en faisant là-dessus des dessins qui ne sont pas froids, et qui exprime des sentiments, qui exprime l'amour physique en fait, et même des visions, et tout cela en plein plaisir. Je ne veux pas décrire le film, mais une partie quasiment abstraite qui est la peinture animée. Mm-hmm. Combien de temps aurait-il fallu pour faire ce film avec les techniques habituelles des vieux du XXe siècle qui n'avaient pas la chance d'avoir un tel appareil, c'est-à-dire un ordinateur, selon je pense toi. Que pour l'animation, ça aurait mis le même temps, puisque j'ai fait l'animation sur papier d'une manière absolument traditionnelle. Tu aurais pu faire la même chose. Voilà. Mais par contre, c'est pour la mise en couleur que ça a permis d'accélérer. Et puis surtout pour la légèreté du processus. Parce que je disais tout à l'heure, j'ai fait ça sur la plage quasiment. C'est sûr qu'avec un gros banc de titre, une énorme table lumineuse, une caméra 35 mm, ça n'aurait pas été aussi facile. Et sur le plan du coup, ça se rejoint, c'est le même raisonnement. Ouais, sur le plan du coup du film, oui. Comme de toute façon, il y a une phase de report sur pellicule qui coûte assez cher. Je ne suis pas sûr que ça soit une réelle économie. Si, il y a le coût du cellulo, c'est vrai qu'il n'y a plus de cellulo, donc c'est vrai que j'ai utilisé des feuilles de papier machine que n'importe qui peut s'acheter dans le commerce. En plus, j'ai fait ça sur du A5, donc c'était vraiment... j'avais demandé à la production d'acheter... je sais pas, 15 ramettes et j'en ai utilisé 2. voilà, parce que j'ai fait une très très mauvaise estimation du nombre de dessins qu'il me faudrait, mais bon, enfin, tout un chacun peut faire un film comme le mien, enfin, avec le matériel que j'ai utilisé. Je veux dire, techniquement, c'est vraiment pas compliqué. Et puis après, il y a évidemment l'histoire. Il y a les thèmes. C'est beaucoup plus compliqué, ça, l'histoire. Il y a la géographie des corps, comme tu la vois. Beaucoup de jeux sur ces deux corps, en fait, avec du sable, à la place du petit corps, des choses comme ça. Oui, bah, je crois que c'est ce que permet de faire l'animation, c'est-à-dire un peu comme Valérie d'ailleurs, mais enfin bon, comme Jérémy aussi, la révolution des crânes, moins, je me sens moins. Non, mais c'est vrai que bon, par exemple, le film de Valérie ou le film de Jérémy parle comme mon film de sentiments amoureux ou de sentiments humains, compliqués, difficiles à exprimer, voilà, et donc. Si ces trois films se rejoignent, c'est parce qu'on passe par des métaphores visuelles. La révolution. Non, Arthur, reste avec nous. La révolution des crabes a une envergure beaucoup plus large, révolutionnaire justement, ce qui n'est pas mon cas. Mais on en parlera après. On en parlera tout à l'heure. Mais non, voilà, moi ce qui m'intéressait, c'était de parler de sentiments humains, de choses. Difficilement exprimable. Enfin, il y a quelque chose que je dis souvent, donc pour ceux qui ont déjà entendu ce discours, désolé de me répéter, mais pour moi l'animation c'est une technique qui n'est pas du tout humaine en fait, qui est complètement bizarre parce qu'on fait des animations comme ça image par image, tout est décomposé, fragmenté, c'est très théorique finalement tout ça, c'est que c'est comme, enfin moi je suis très peu musicien, mais c'est comme écrire une partition, enfin voilà, quelqu'un qui lit une partition et qui ne sait pas comment ça se lit... Voilà, il y a des gens qui lisent une partition et qui ont la musique dans la tête. D'ailleurs, pour les animateurs, c'est pareil. Il y a des gens qui lisent une feuille d'exposition et qui ont l'animation dans la tête. Donc l'animation, voilà, moi je trouve ça très théorique. Et puis on n'a pas la puissance d'un visage, on n'a pas l'émotion d'un regard, on n'a pas tout ça. Donc on est obligé de passer par d'autres chemins. Donc on est obligé de passer par de la couleur, par du rythme, par du son, par de la vibration, par des textures, par des effets, et puis par des métaphores, des symboles, des choses comme ça. Donc c'est ça que j'avais envie de faire. Donc forcément on fait des films qui sont pas naturalistes, enfin on part tout de suite vers quelque chose d'onirique, et donc pour moi ça se rapproche plus de l'idée de ballet ou de danse que de l'idée de cinéma finalement. D'où un travail sur le son. D'où un travail sur le son et sur le rythme. La musique a été composée parallèlement aux images. Et on s'est mis d'accord très vite avec le musicien pour adopter un tempo général. J'avais donné des indications au musicien quant à la couleur des instruments que je voulais qu'il utilise, en fait, qui sont essentiellement des percussions et des sons du corps. Les respirations surtout, mais tout le film est animé, même les séquences qui ne sont pas musicales, puisque donc le moment où les deux personnes du couple se retrouvent et font l'amour ensemble, là ça part carrément presque dans l'abstrait, donc là c'est uniquement un jeu rythmique. Le reste du film n'est pas comme ça, mais malgré ça tout le film est animé sur le même tempo. Et donc voilà, l'ensemble du film est prévu pour être quelque chose de dansé finalement. Et au niveau des couleurs, il y a un énorme travail sur les couleurs. Tu dis que tu l'as fait sur un portable. C'est une question très néophyte. Est-ce qu'on trouve toutes les couleurs qu'on a envie? Est-ce qu'on peut s'amuser avec? Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de tons qui changent énormément dans ton film? Ah bon? Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de couleurs. En ça, je rejoins Jérémy aussi. Il y a des couleurs qui sont... donc dans chaque scène, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Voilà. Couleurs sont différentes en elles-mêmes. C'est-à-dire le film de Jérémy, par exemple, utilise trois couleurs, noir et blanc, et puis un bleu, il va jouer avec le bleu ensuite. Alors oui, que toi, tu vas utiliser du rouge et du noir. Il y a cette scène qui est magnifique, qui pourrait être dessinée sur la pellicule. Là, qui est donc celle qui a été, dont je ne me suis pas occupé. voilà, donc c'est bien. Et qui est justement elle est verte avec un trait noir, enfin, avec un trait blanc pardon. Donc voilà, au niveau des couleurs, c'est assez limité au bleu, c'est ça. Je pourrais pas dire que j'ai un point de vue très très réfléchi sur les couleurs. C'est assez instinctif. D'accord. C'est assez instinctif. Voilà, j'y vais, je bouge. Je suis embêté pour cette je suis embêté par cette question. Passons à une autre question. Donc on a fait deux films, on a pas mal de prix. Le journal a eu pas mal de. Le journal avait bien marché. Récompensé. Ouais. Des câlins aussi. Des câlins, bah là, donc avec Hoche, et puis dernièrement à Vélizy, et puis avant à Annie Madrine, donc trois prix, donc c'est bien. Donc c'est bien. On décide plus de faire un cours, on décide de passer au. Ah si, si, j'ai très envie de refaire un cours. D'accord. Donc, mais comment peut-on faire un cours et un projet de long qui est bien entamé pourtant en même temps? Non, mais j'ai très envie de refaire un cours, mais pas forcément tout de suite. C'est vrai que pour l'instant, je suis parti sur un projet de long. Parce qu'on me l'a proposé aussi, voilà, parce que David Thion, donc producteur au film Péléas, m'a proposé de lire une pièce de théâtre de Olivier Py, qui s'appelle La jeune fille, le diable et le moulin, et il m'a dit, bah tiens, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses que ça pourrait faire un film d'animation? Et puis, bah, petit à petit, voilà, on a avancé ensemble. Là encore, c'est une belle histoire de partenariat entre un producteur et moi-même, donc voilà, on avance. Lui, c'est un producteur confirmé en termes de cinéma. Prise de vue réelle, comme on dit dans notre jargon, puisque voilà, ils ont produit, je crois, 26 longs métrages en 15 ans d'existence, donc c'est pas mal. Mais ils n'ont jamais fait de film d'animation, donc on avance petit à petit. Le projet est bien avancé, le scénario est terminé, nous avons un univers graphique cohérent, et nous sommes en phase de recherche de financement. On commence en fait à présenter le projet aux différents interlocuteurs. Voilà, classique. L'histoire en deux mots. L'histoire en deux mots. C'est l'histoire. En fait, l'histoire commence par la rencontre dans une forêt d'un meunier qui est fort pauvre et qui rencontre un vieil homme et se lamente en fait sur la misère dans laquelle il vit. Et le vieil homme lui propose un marché. Il sera riche s'il lui donne dans 3 ans ce qu'il y a aujourd'hui derrière son moulin. Le meunier dit, bon, ben, derrière mon moulin, qu'est-ce qu'il y a? Un vieux pommier. Ça marche. Ce qu'il ne sait pas, c'est que le vieil homme est le diable, évidemment, et que derrière son moulin, il y a sa jeune fille qui était en train d'étendre le linge. Voilà, donc l'histoire commence comme ça. En fait, c'est l'histoire de cette jeune fille qui va passer son existence à déjouer en fait, les pièges que le diable va dresser sur son chemin, puisque lorsque le diable vient chercher la jeune fille au bout de 3 ans, elle arrive à se défendre, et donc le diable ne peut pas l'emporter. Et elle va voilà, partir sur les routes à la rencontre de son destin. Elle va rencontrer un prince, elle va rencontrer un jardinier, elle va rencontrer son ange gardien, elle va perdre l'usage de ses mains à cause du diable. Voilà. Et puis bon, le film se termine bien. Il faut savoir que la pièce de Olivier Py, qui sera remontée d'ailleurs l'année prochaine, en 2006, est adaptée d'un conte des frères Grimm. D'accord. Voilà, qui s'appelle La jeune fille sans main. Donc le scénario de mon film vient de ces deux sources, le conte et la pièce de Olivier Py. Mais un long métrage ne nous empêchera donc pas forcément de voir un troisième cours. Oui, mais pas prochainement. Est-ce que des gens ont vu le film? Oh, Des câlins dans la cuisine date d'il y a maintenant un bout de temps. Il est passé à Annecy l'année dernière. Jérémy, est-ce que... commentaires? Moi, j'aime pas du tout. non, je savais. Enfin, j'ai reconnu vraiment son travail déjà avec. J'ai l'impression qu'il y a les mêmes idées qu'il taraude toujours un petit peu sur la sexualité. Oui. Et on est toujours un petit peu surpris quand j'ai vu son film. Je me suis dit, tiens, on entend la salle aussi glousser un petit peu à des moments, c'est très sexuel, ou peut-être trop pour la salle de temps en temps. Mais en tout cas, c'est vraiment très inventif sur des. Vraiment des points dans l'animation. Il y a des espèces des transitions, des choses qu'il arrive à faire passer juste par le mouvement. Enfin, il y a vraiment une création autour de la ligne, du mouvement, et il triche bien avec ça, et je trouve c'est très inventif. Voilà. Il n'est pas accessible, je pense, forcément. C'est pas un film qui est accessible à tout le monde, donc je pense que si il rafle pas tous les prix, c'est peut-être à cause de ça. Mais une fois qu'on est dedans, je pense que si les gens sont suffisamment ouverts, enfin voilà, je trouve que c'est vraiment un bon film. Mais c'est vrai que j'avais la volonté de faire un film à la fois assez tendre et assez cru en même temps, parce que pour moi l'amour c'est ça, c'est enfin voilà. Et très souvent on vient me parler soit d'un des aspects, soit de l'autre. Donc j'ai souvent entendu dire, les personnages, on n'en sait pas assez, on aimerait en savoir un peu plus sur leurs relations, etc. Et puis inversement, on m'a dit aussi, leur histoire, on s'en fiche, nous, ce qu'on veut, c'est du cul, voilà, parce que c'est vachement chouette, c'est la partie la plus intéressante du film. Voilà, et donc j'ai voulu jouer un peu sur ces deux tableaux, ce qui fait que Ce qui fait que je suis très content en fait d'entendre ce que dit Jérémy, parce que ça veut dire qu'il y a une petite frange quand même qui est touchée par les deux. Valérie, Arthur, un petit mot sur le film. On n'est pas obligé, hein. Moi j'ai adoré et d'autant plus que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de courts-métrages comme ça en animation qui parlent de sexualité, ou sinon quand il y en a, c'est plutôt sur un ton humoristique, grosse blague, un peu comme les films de Plimpton. Ou d'autres, mais c'est vrai que là ça parle vraiment de sexualité, mais vraiment sous l'angle de la sensualité, de la poésie, et puis il y a aussi de l'humour d'ailleurs, mais c'est pas de l'humour potage, c'est vraiment des parce que justement les gens se retrouvent par exemple quand ils ont leur espèce de vocabulaire avec motoculteur, enfin, c'est vrai que les gens dans la salle rigolent, j'avais aussi adoré Journal, voilà, c'est la séquence légère Serge le pompe, et non parce que vraiment c'est d'ailleurs c'est souvent un film que je cite, enfin parce que c'est des premiers films faits aux Arts Déco, et c'est vrai qu'on s'est tous un petit peu inspiré de ce, enfin je sais pas toi, mais on s'est tous un peu, enfin en tout cas ça a ouvert plein de portes, quoi. C'est vrai que c'est, enfin moi en tout cas c'est la première fois que j'avais vu un film comme ça qui était un peu écrit à la première personne, où vraiment quelqu'un se livrait comme ça et se contentait pas seulement d'en raconter une petite histoire avec un personnage. Là c'était vraiment l'expérience de quelqu'un, mais enfin raconté de manière à ce que ça intéresse les gens et que ce soit rigolo. Donc voilà, et puis j'ai à nouveau retrouvé un peu ce côté là aussi dans les câlins, et enfin donc voilà, bravo, j'adore. Et Pascal Ensel, juste pour situer, donc moi je suis je suis de la même génération que Jérémy, on est vétérans, sauf que vous étiez dans les mêmes on est de la même année, voilà. D'accord. Donc moi je suis encore plus vieux que toi. Moi c'est vrai que je fais partie de la première promo d'animation, c'est-à-dire qu'avant c'est la barre très haute. Avant il y avait une section qui s'appelait vidéo cinéma d'animation. Et je crois que c'est en 95, voilà, il y a eu une section animation qui a été créée. Alors que voilà, donc c'est les 10 ans cette année. Ça va être les 10 ans cette année. Et alors j'étais très content parce qu'avec Claire Fouquet, qui est une autre réalisatrice, voilà, connue et reconnue, nous étions tous les deux délégués à des étudiants à cette époque-là. Et en fait, la section animation s'est créée un peu sur l'impulsion des étudiants qui étaient motivés, parce qu'on avait fait un peu une sorte de sondage en fait auprès des étudiants de deuxième année, poussé par l'enseignant. Il y avait quand même un enseignant d'animation à l'époque, hein, Jean-Pierre Dezeuse, mais qui donnait un cours optionnel, voilà, qui était en général pas très suivi par les étudiants, malheureusement. Et lui nous avait un peu poussé à créer une section animation, et donc on était allé voir l'administration en disant si jamais il y a une troisième année animation qui existe, où il y aurait une quinzaine d'élèves qui seraient intéressés. Et à l'administration, ils nous ont dit justement, on était en train d'y penser. Wow. Et donc voilà, la section s'est montée cette année-là, et donc tout naturellement j'y suis allé. Il n'y aurait pas eu cette histoire-là, je ne sais pas ce que je ferais maintenant, mais je suis tombé dans l'animation un peu par hasard. Hein. Donc tu es en train de me dire que grâce à toi, c'est pour ça qu'on est tous autour de cette table, et que Jérémy, Arthur, Valérie, grâce aux délégués, grâce à toi, non, Claire, surtout grâce aux étudiants cette année-là, en fait, ouais. Et au fait que qu'on se soit un peu bougé, voilà. Bon. Est-ce que tous ces étudiants ont persisté dans l'animation, ou bien Les chemins des uns et des autres sont assez divers. Hein. Des gens qui sont sortis de la section, certains, justement comme Claire Fouquet dont je parlais, continuent à réaliser, ou comme Marie Pacou aussi, qui faisait partie. Donc Claire Fouquet, Marie Pacou, ça faisait partie de cette promotion-là. Voilà, leurs films de fin d'études ont bien tourné. D'autres sont partis vers l'illustration, d'autres sont partis vers les effets spéciaux, d'autres sont partis vers la réalisation, mais plutôt pour la télévision, du type habillage, générique, etc. Voilà. Alors, question à Valérie notamment, mais peut-être à Arthur aussi. Est-ce qu'il y a des mythes ? Moi, j'ai travaillé un tout petit peu au Gobelin à une époque, et donc tous ces animateurs qui sont partis à DreamWorks, à Disney, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a la même chose à l'ENSAD ? Est-ce que vous parliez de Sébastien en disant oui, il y en a un, Sébastien Odenbach, qui a fait des choses incroyables, Claire Fouquet, parce que c'est quand même une bonne année, Marie Pacou. Des gens qui continuent. Ouais, le film de Marie Pacou, donc, qui s'appelle Un jour, a vraiment, je pense qu'en termes de succès, ça doit être l'équivalent des films d'Arthur. C'est carrément 50 prix pour. C'est ce que m'a dit François Larras. C'est extraordinaire. C'est vraiment un best-seller. Oui, parce qu'on n'aurait jamais cru qu'avec un ordinateur, que nous avons vu, les vieux comme moi, faire des choses géométriques, tout à fait, enfin, des choses qui n'avaient aucun avenir pour nous en tant qu'âme, n'est-ce pas? C'était froid et tout ça. Et puis tout à coup, on arrive avec la machine à faire tout ce qu'il y a de mieux dans le dessin, sans grande équipe, sans uniquement grâce au talent de celui qui utilise l'outil. Ça, c'est formidable. C'est pour ça que j'ai insisté chaque fois que je le pouvais cette fois-ci, pour qu'on précise ces choses une fois, parce qu'il y avait une telle opposition, il y avait des gens qui ne voulaient rien savoir de l'ordinateur, parce que c'était trop mathématique, trop froid, tout ça. Puis maintenant, on arrive comme par miracle à profiter de cet outil pour aller de l'avant, et comme il sera perfectionné, bien, cela. Et le long métrage. Bien sûr, et comme souvent, les expérimentateurs ont été très importants, parce qu'en effet, l'ordinateur a commencé aussi parmi les pionniers de l'animation par ordinateur, ont été des gens qui faisaient un peu ce que faisait Len Lai et Fischinger à l'époque. Donc c'est vrai que c'est un truc. On va souffler un tout petit peu, ça fait quand même un bout de temps qu'on part. On va écouter ce que nous a ramené Sébastien, qui va nous le présenter. Bah oui, alors ça n'a rien à voir avec mon film, sauf que donc j'ai dit que le film s'était fait en vacances lors d'un voyage en Italie, donc j'ai ramené un morceau de Giovanna Marini.